on est dans la tendance. Tu connais le cri de guerre, à chaque débit de verre, on trouve par terre des débris de verre. On est le groupe le plus connu des inconnus, on arrive en secret et on repart ni vu ni connu, ça fait. Jamais dans la tendance, tu connais le cri de guerre, à chaque débit de verre, on trouve par terre des débris de verre. On est le groupe le plus connu des inconnus, on arrive en secret et on repart ni vu ni connu. Paraît que la secret à l'ancienne, c'est comme le bon burst, mais ça reste lourd comme une frappe de Mark Landers. La secrète c'est vieux, c'est vrai, c'est comme le pinard. Mais même si Solar achète très bien nos rap en dinars. Ceux qui disent qu'on est des dinosaures dans le rap risquent plus de me croiser à la goutte d'or qu'à Jurassic Park. T'inquiète, on n'est pas le groupe, on aura des pâquerettes. On a besoin de son père pour représenter le Maghreb. Le public est connaisseur, auditeur, je vais pas t'apprendre qu'un rappeur c'est un surfeur et que toutes les vagues sont bonnes à prendre. A l'époque, le rap c'était bête de beat et beat de boule. De nos jours, les mecs parlent de beat, c'est devenu un film de boule. Moi j'avance en scratch, bidouille, je fais le mécano. Ça sert à rien de faire le rebelle si c'est pour tomber dans le panneau. Tout le monde connaît l'enseigne qu'il y a en bas de chez Warren. J'habite près de Tati, je sais que la bille ne fait pas le moine. Et je suis qu'une goutte d'eau qui fera déborder le vase. Quelques phrases explosives comme une bouteille de gaz. Je serai pas de goutte d'eau si tu portes pas nos couleurs et que t'écoutes pas notre son à fond le soir dans tes écouteurs. Jamais désolé si les mots font des victimes et brisent le silence comme le pavé qui vise la vitrine. J'ai de la suite dans les idées, donc je te signale qu'on n'est pas signé mais destiné à leur faire si mal. Parfois brutal comme un flic pendant la descente, ou bien déplaisante comme une vérité qui est trop blessante. Mon tir est précis car l'esprit est pressé d'en finir vite avec tous ces gens qui m'ont stressé. Jamais lassé donc dis-toi bien, jamais à bout de force. Le rap est une arme qui peut faire mal comme un coup de crosse. Ma direction toujours la même, qu'est-ce que t'en penses? Je viens des bas-fonds et je ne suis jamais dans la tendance. Jamais dans la tendance. Tu connais le cri de guerre, à chaque débit de verre on trouve par terre des débris de verre. On est le groupe le plus connu des inconnus, on arrive en secret et on repart ni vu ni connu, ça fait. Jamais dans la tendance, tu connais le cri de guerre, à chaque débit de verre on trouve par terre des débris de verre. On est le groupe le plus connu des inconnus, on arrive en secret et on repart ni vu ni connu. Jamais dans la tendance, on arrive en secret, pourquoi courir? Je suis pas pressé de mourir en déficit de SNF. Depuis le temps, j'atteins enfin ma cible. La rime, le prolongement de moi-même, je la prémédite comme un crime. Ça paraît simple à faire, c'est clair, y'a rien de l'amour. Alors évite de mettre ton nez dans mes affaires, je manque d'humour. Je mobilise mes énergies pour aller de l'avant. Comme la plupart des gens, je suis un survivant. Immobile sans mots, la douleur sans voix. Mec, tout le monde s'en prend, on m'appelle Ragmo. J'ai fait mes classes avec la secrète connexion. On fait des classiques pour étoffer ta collection. Pour les privilégiés, il y aura toujours des perspectives. Nous autres on fait peur comme des déchets radioactifs. On a des tas de phases qui te raviront pour l'hiver. Regarde par terre, fais attention aux débris de verre. Haroun, Von Geeks, 4 connexions. Blessé, touché au cœur, mais on revient en souriant. C'est de la violence à l'état pur, créé à l'unisson, en s'unissant. C'est toute ta clique de haine que nous punissons. Rafale de rime riche, ça part dans tous les sens. Pas pour faire couler le sang. Tu doutes bien qu'on a trouvé plus intéressant. Achève en un, affirmatif, achève en un. Je suis sur ma cible, j'exécute le contrat, le temps d'un battement de cible. Et ouais, je reste de marge, chaque fois que tu payes ma dette, c'est que je suis pas pressé. Un jour ou l'autre, tu payes ta dette. Et si tu penses rivaliser du haut de tes 2-3 maquettes, c'est chaque jour que Dieu fait, tu le passes à côté. Jamais dans la tendance, tu connais le cri de guerre, à chaque débit de verre, on trouve par terre des débris de verre. On est le groupe le plus connu des inconnus, on arrive en secret et on repart ni vu ni connu, ça fait. Jamais dans la tendance, tu connais le cri de guerre, à chaque débit de verre, on trouve par terre des débris de verre. On est le groupe le plus connu des inconnus, on arrive en secret et on repart ni vu ni connu.